Ordinairement j'ai les terrains vides et j'avale des kilomètres, un bolide en guise de mètre et quelques vertiges dans le vide. Virée nocturne sur l'autoroute du silence. Baisse ta vitre et couvre l'angoisse. Virée nocturne sur l'autoroute du silence. Nocturne sur l'autoroute du silence.